comme chaque jour par Jean Leclerc. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Le nourrisson était né à terme, un peu poupin, certes, mais d'un tempérament fort jovial. L'encrier couleur 3 n'était pas si éloigné. Depuis, la chose a évolué, varié, bref, a continué. Merci de votre écoute, de votre fidélité et bon été à tous. Rendez-vous à la rentrée. Histoire vivante, cette semaine, l'Amérique comme cible. It is a historic turning point of great significance for all peace-loving nations. Personnellement, je suis prêt à abandonner tout ce qu'on a construit là pour essayer la paix. La diplomatie américaine, des accords de Camp David à Sabra-e-Shatila. Well, we know that Nous savons que ce chien enragé du Proche-Orient a pour but la révolution fondamentaliste islamique mondiale. C'est devenu une évidence depuis un certain 11 septembre. Depuis, une série d'émissions de documentaires a été conçue et réalisée, puis diffusée sur la télévision américaine. Une série qui s'est efforcée de répondre aux questions suivantes. Quelles sont les forces qui ont lancé cette attaque ? Pourquoi les Américains n'ont-ils pas compris la nature de la menace et plus globalement, quelle attitude peuvent-ils avoir vis-à-vis du terrorisme? Car ce n'est pas la première fois, loin s'en faut, que l'Amérique est confrontée au terrorisme. Pour mieux comprendre ces événements, nous aussi, il nous faut sans doute remonter de nouveau le passé. Comment l'Amérique, au travers de ses gouvernements, a développé sa diplomatie internationale? Cette diplomatie a-t-elle toujours été dans le même sens? Qu'a-t-elle, cette diplomatie, selon les époques, privilégiée comme alliance ou au contraire, de qui s'est-elle détournée? Du pouvoir démocrate aux forces républicaines, ce sont plusieurs Amériques qui se sont dessinées et nous allons cette semaine, dans Histoire vivante, essayer de nous rappeler quelques-unes de ces étapes. Mais pour aujourd'hui, transportons-nous dans les années 70. Chapitre 1. La diplomatie internationale fait beaucoup planer. Un homme d'assez haute taille, à la corpulence non négligeable et au grain de voix reconnaissable entre mille, fait la navette sur les lignes aériennes du Proche-Orient en ce début de l'année 1974. Quand on dit la navette, le mot est faible. C'est carrément un abonnement qu'il a dû prendre. Cet homme, c'est Henry Kissinger. Après la guerre du Kippour, qui a opposé Égypte et Syrie à Israël, les États-Unis savent qu'ils auraient fort à gagner à être le partenaire diplomatique facilitant la paix dans la région, fort à gagner vis-à-vis de l'URSS, bien sûr. En lançant Henry Kissinger dans cette succession de négociations, ils savent qu'ils peuvent mettre des points importants dans la bataille. L'homme a des talents de négociateur assez incontestables. Aujourd'hui, de mauvaises langues vont jusqu'à prétendre que Kissinger a négocié une paix très favorable à l'Égypte qui a pu récupérer au passage ses puits de pétrole, toujours ce fameux or noir. Moi qui croyais que tout cela, c'était d'abord une guerre de religion. Car à l'époque, depuis la désindexation du dollar vis-à-vis de l'or, on craint que le billet vert fasse une grosse dégringolade. Il faut donc s'assurer que les milliards de pétrodollars des puits arabes seront bien investis dans les banques de Londres et de New York. C'est Kissinger qui a quelque intérêt perso dans l'affaire qui s'y colle. C'est pas par dévouement à la Sainte Colombe. Mais laissons la calomnie au salonnard, nous risquerions d'y user nos énergies et il va nous en falloir pour nous intéresser aux emberlificotages de la semaine. Ils sont donc complexes, nos grands états, quand ils ont décidé de ne pas être clairs. Enfin, rien de tel qu'un belvédère pour contempler le paysage, même s'il faut, pour y accéder, crapahuter quelque peu. Dans notre bas monde, on n'a rien sans rien, mais vous allez voir, c'est quand même assez passionnant. Or donc, les va-et-vient incessants de M. Henry vont se poursuivre pendant un an et demi. Résultat des courses, une nette amélioration de la situation. Retrait limité des Israéliens dans le Sinaï, abandon par eux des puits de pétrole d'Abu Rodaïs, remise en état du canal de Suez, sa réouverture à la navigation. « UKD et Joie de Vivre, après avoir tout ou partie pété, il faut reconstruire, notamment les villes de Port Saïd et de Suez. Et dans un pays, quand le bâtiment va, tout va. Dès lors, on se remet à imaginer en ces années-là qu'une paix est peut-être enfin envisageable. Chapitre 2. Quelques années plus tard, presque les mêmes, mais pas tout à fait. En effet, le successeur de Gerald Ford est un certain Jimmy Carter. C'est le nouveau président des États-Unis, un de ceux, nous le verrons, qui va devoir le plus manger son chapeau. Opération rarement digeste. Côté Proche-Orient, on s'active, on va même très loin, puisqu'à la fin de l'année 1977, Anwar el-Sadat, l'Égyptien, à la suite de tractations secrètes multiples, est à Jérusalem. Le président Anwar el-Sadat se trouve en Israël, vous le savez certainement. C'est dans quelques minutes qu'il devrait s'exprimer devant le Parlement israélien, la Knesset. J'appelle tout de suite à Jérusalem notre envoyé spécial, Manuel Girard. Effectivement, tout est prêt ici pour recevoir le président Sadat. Tous les sièges de la Knesset sont occupés. Les députés ont commencé à y arriver il y a à peu près une demi-heure. Voici que maintenant, tout le monde se lève. C'est-à-dire que le président Sadat va entrer en ce moment même. Le sentiment général est qu'on a été témoin d'un grand moment de l'histoire. Tous ont été surpris. La plupart ont été impressionnés et nombreux sont les diplomates dont le cynisme a été entamé par l'émotion. Il y a des images et des mots de ce voyage du président Sadat à Jérusalem qui sont déjà considérés ici comme historiques. Le suspense provoqué par la mission du président Sadat à Jérusalem et les discours échangés à la Knesset se prolongeait ce matin quand les Américains ont pu voir les deux hommes, M. Sadat et Begin, répondre aux questions des journalistes dans la capitale israélienne. On attend ici, pour employer le terme utilisé par le président Carter, désormais des réponses imaginatives qui suivront, espère-t-on, ces déclarations sans précédent formulées à Jérusalem. C'est vrai que ce jour-ci, à la Knesset, on va en dire de l'historique. C'est pas pour faire un yam qu'il est venu dans les parages à Noir, mais pour faire la paix, et il le dit haut et fort, et pas en anglais, en arabe. Échange de bons procédés, après que Sadat ait rendu visite à Begin, il se passe pas une semaine, Begin rend visite à Sadat en Égypte. Vous me direz, c'est pas très loin, mais il y a des endroits du monde, on mesure pas les distances en kilomètres. Cette visite est suivie un peu partout dans le monde, et notamment à la radio romande. Sadat Begin face à la presse, il y a une heure environ. Une salle immense, la salle des machines du centre administratif de la compagnie du canal de Suez. Il y a des centaines de chaises, beaucoup d'ailleurs sont vides. De longues tapisseries aux couleurs vives pendent au mur sur 2 ou 3 mètres de haut, au fond de la salle, au fond d'une perspective de 2 ou 300 mètres, une estrade. Monsieur Sadat prend la parole. As you know, after my visit to Jerusalem on the 20th of November, a new spirit prevailed in the air, and we have agreed in Jerusalem and in Ismailia here also to continue our efforts towards achieving a comprehensive settlement. Ensuite, M. Begin complète cette allocution d'Anwar el-Sadat. Il précisera d'ailleurs un peu plus tard qu'elle a été rédigée d'un commun accord. Mr. President, ladies and gentlemen, I have come here a hopeful prime minister. I am leaving a happy man. The conference at Ismailia has been successful. Alors, un premier commentaire. D'abord, l'acte historique posé par le président Sadat lorsqu'il est allé à Jérusalem est le nouveau point de référence de la politique de l'Égypte et d'Israël. On veut considérer que cet acte est irréversible et on l'affirme et on le répète. On efface tout et on recommence. Tout ce qui précède le 17 novembre appartient à l'histoire. Et ceux qui ne se joignent pas au processus sont encore en dehors des temps modernes. Rien ne presse, laisse-t-on entendre, on n'écrit pas en deux mois le devenir des peuples. Dans l'esprit de Sadat, ceux qui se trouvent en dehors des temps modernes, formule aimable qui en langage direct donnerait les arriérés mentaux, Ce sont tous ceux qu'il souhaiterait attirer dans ses négociations avec Israël. Mais la plupart du reste du monde arabe n'est pas convaincu, loin s'en faut. Enfin, tout cela a donné un élan. Si les sommets se rencontrent, c'est donc que nous ne sommes pas des montagnes, osons pousser le bouchon. Donc, une semaine plus tard, après Sadat à Jérusalem, c'est Begin à Ismaïlia. Alors là, pour le coup, Sadat devient le traître radical. Du coup, il essaie de jouer fin et sort de son jeu la carte palestinienne. Autant ferrer du goujon avec un lance-roquette, les Israéliens sont évidemment pas dupes et veulent pas rentrer dans la combine. Du coup, tout le monde marche sur des œufs. Enfin, tout le monde non. Uniquement ceux qui veulent la paix. Les autres, les œufs, ils les écrasent et à coups de talons. Et Ismaïlia va devenir un curieux sac de nœuds. Les Arabes vont sortir Sadat du clan des amis. Sadat ne va pas réussir à convaincre les Israéliens, qui eux-mêmes vont faire marche arrière. Ce qui, en d'autres occasions, aurait dû faire plaisir aux Arabes, mais là, non, vu qu'ils ont condamné Sadat, bah oui, c'est pas très simple. Mais après tout, comme dirait l'autre, la vie elle-même, c'est pas toujours simple. Que va-t-on établir à Ismaïlia? Eh bien qu'il est urgent de ne pas se presser et que le mieux, ça serait d'en discuter en commission. Dans le genre très long, vous pouvez aussi dénerver du riz de veau ou aller pêcher la morue en Terre-Neuve. Alors, on va écouter un petit peu le point de Meir Rosen, qui était membre de la commission israélienne à Ismaïlia, suivi dans la foulée du point de vue de Josette Alia, spécialiste de la question, et puis on va s'aérer l'esprit avec un peu de musique. À tout à l'heure. Eh bien, je crois qu'on a fait du progrès, puisque nous avons établi ces deux comités au niveau du ministre des Affaires étrangères, et ces deux comités vont commencer à travailler au début de l'année prochaine, c'est-à-dire le 15 janvier, en toute probabilité. Un à Jérusalem et un au Caire. Ce n'est pas un coup de frein, ce n'est pas un recul, ce n'est pas un pas en arrière, mais on a cessé d'avancer, exactement c'est ça. Ça peut sembler un peu excessif de dire que c'est décevant, mais dans cette affaire, c'est quand même, je crois, très important d'avancer, parce que il fallait créer le mouvement, il fallait sortir des procédures diplomatiques habituelles. C'était l'objectif de Sadat. Quand il a rompu les procédures diplomatiques classiques en allant à Jérusalem, il a voulu créer un grand mouvement pour entraîner tout le monde avec lui. Monsieur Begin vient de remettre, il faut dire les choses, en refusant d'aller plus loin, on retombe dans les procédures classiques. On va créer des commissions, c'est important de créer des commissions, mais enfin, on retombe dans la diplomatie classique, et là, ça peut durer des mois. Comment ces commissions politiques peuvent-elles décider au niveau des ministres de l'avenir de la Cisjordanie et de régler le problème palestinien d'une manière satisfaisante si les deux chefs d'État au sommet n'ont pas pu y parvenir en tête-à-tête? Moi, je pense personnellement, c'est un peu un pari que je prends, et qu'on va voir une relance tout de même, probablement au moment du voyage de Carter au Proche-Orient, puisque vous savez que le président américain doit être au Proche-Orient la semaine prochaine, il va faire une tournée. On compte, semble-t-il, beaucoup, du côté égyptien en tout cas, sur ce voyage au Proche-Orient du président américain pour redébloquer les choses. Un signe intéressant, c'est qu'on a invité les États-Unis et l'ONU et même l'URSS. Ça veut dire qu'on a besoin maintenant d'aide extérieure pour faire redémarrer les choses. Chanteur et musicien d'origine soudanaise, établi en Amérique, Hamza Eldin est surnommé le bluesman de la Nubie. Chantre d'un pays disparu entre l'Égypte et le Soudan, Hamza Eldin est un virtuose du oud et un chanteur engagé. Il chante à Arafat. Ya Arraf, ya Arraf, lou b'tarifi, b'tishfi lou t'akshifi, علم الغيب وحياتك هاكي هاكي هاكي كفي كفي يا عرف يا عرف صايا وشايل الويل وسهر الليل وكل الميل على كتفي يا عرفة حمول ترج فرج في توجيت لا كلي Chilled Chapitre 3. Septembre 1978. Anwar, Jimmy et Menahem à Camp David. Jimmy Carter vient à peine de faire imprimer ses nouvelles cartes de visite. Jimmy Carter, président des États-Unis, Maison Blanche, Washington DC. Il achète aussi sec de timbres, va poster le tout aux adresses suivantes. Monsieur Sadat Anwar El, alias le Raïs, Le Caire, Égypte. Monsieur Begin Menahem, Knesset, Jérusalem. Rapidement, les deux font répondre par leurs ambassadeurs « Ok, on est d'accord, on fait les valises, on arrive. » Enfin, d'accord, d'accord, pas tant que ça. Nous écoutons à présent l'ambassadeur d'Israël, M. Shimoni, celui d'Égypte, M. Edreyal. Israël aborde la conférence de Camp David avec une volonté ardente d'aboutir à un accord de paix et avec des plans alternatifs qui rendront, nous l'espérons, une telle paix réalisable. Israël est prêt à faire des concessions adéquates. En effet, il s'agit là de la possibilité de trouver un compromis. Le président Sadat a fait le premier pas en brisant, par sa visite impressionnante à Jérusalem, les barrières psychologiques de 30 ans. Mais en ce qui concerne les problèmes eux-mêmes, le président Sadat a insisté jusque-là sur une position intransigeante et inchangée, sans être prêt à un compromis. La paix que l'Égypte recherche est une paix durable et donc une paix juste, basée sur les principes définis par la communauté internationale comme les règles de conduite entre les États et les nations. L'application de ces principes requiert le retrait des forces israéliennes des territoires arabes occupés, la reconnaissance des droits du peuple palestinien à déterminer son propre avenir, et le droit de tout État dans la région de vivre en paix et sécurité avec les garanties adéquates et les arrangements nécessaires pour cette sécurité. Le président Sadat va à Camp David avec la ferme conviction dans la justice de la cause qu'il défend. Israël souhaite profondément que l'Égypte, de son côté, aborde les pourparlers avec la compréhension qu'un accord de paix n'est possible que par suite à des compromis et des concessions mutuelles. Voilà donc qui viennent, mais avec des fléchettes, des lance-pierres et des sarbacanes. On sent bien que ça pourrait virer de traviole ce sommet, alors on soigne ses hôtes. Il faut à tout prix aboutir à un accord des trois, c'est-à-dire un texte sur la paix au Moyen-Orient et un autre sur la paix entre Égypte et Israël. Tant qu'à faire, hein, autant amortir le voyage. Mais c'est pas simple, et il faut s'appeler Jimmy Carter qui, sous des airs de golfeur en goguette, sait ce qu'il veut. Édouard de Blay a suivi tout ceci pour la radio romande. Bien peu nombreux étaient pourtant ceux qui, quelques heures auparavant, auraient parié quelques dollars sur la réussite de ce sommet. À la veille de la conclusion de la rencontre de Camp David, rien n'était encore joué et la discussion pouvait capoter à tout instant, devait d'ailleurs avouer cette nuit un membre de la délégation américaine. Mais le forcing diplomatique effréné auquel s'est livré dimanche le président Carter devait finalement emporter la décision. Alors que 6 minutes à peine de discussion avaient été nécessaires hier au chef de l'exécutif américain pour arracher à M. Begin d'ultimes concessions, le dernier dialogue entre Sadat et Carter s'est prolongé durant près de 2 heures. Convaincu du risque politique énorme que représentait pour chacun des participants de Camp David un échec de la conférence, Sadat et Begin ont in extremis décidé de céder sur leurs prétentions respectives. Le principal vainqueur du sommet de Camp David est indiscutablement le président Jimmy Carter, pour qui ce succès diplomatique tombe à point nommé à 2 mois à peine des élections législatives américaines, et alors que sa cote de popularité, qui était au plus bas depuis le printemps dernier, a remonté brusquement de 12 points depuis le début du sommet de Camp David. Il ne faudrait pas s'imaginer que tout baigne dans le chop suey. Pensez donc, si c'était facile, ça serait trop simple. Le point crucial d'achoppement, c'est the Palestinian question. Autonomie ? Pas autonomie. L'Égypte attend qu'Israël réponde à sa demande. Israël répond, mais en invoquant la position de la Jordanie. Eux, ils n'ont pas décidé, alors on peut rien faire. Maintenant, c'est votre problème, arrangez-vous, on attend vos propositions. Vous êtes bien sûr les bienvenus, bon baiser, bonjour chez vous, la bise à madame, etc. Admirez le subtil retour à l'envoyeur exécuté par l'ambassadeur israélien Meir Rosen. Je crois que les choses ont été dites pour la suite des négociations. Et l'issue finale dépend, à l'heure actuelle, de l'Égypte. Est-ce que l'Égypte va insister à lier la question de la bande de Gaza, de la Judée et de la Samarie avec le traité bilatéral en essayant d'imposer des dates précises quant à la mise en œuvre du plan de l'autonomie. Israël, comme vous le savez, a pris une décision à l'unanimité au gouvernement de s'opposer à toute date spécifique concernant la mise en œuvre du plan de l'autonomie, tant que la Jordanie et les habitants arabes de la Judée, de la Samarie, de la bande de Gaza n'ont pas encore exprimé leur avis favorable sur une telle négociation, Israël ne peut pas accepter des engagements précis avec des dates précises. Et tout dépend maintenant de l'Égypte, le traité, les annexes militaires, la normalisation des rapports, tous les protocoles additionnels, les cartes, si vous voulez, tout est prêt pour signature. Tout est prêt pour la signature. L'archive date du 1er décembre 1978. Autrement dit, ça fait près d'un quart de siècle. Quand je pense que je klaxonne dès que le feu passe au vert, moi. Chapitre 4. Et sur le terrain, comment c'est-il que ça se passe ? Au mois de mars 1979, quelque part en Israël, mais chut, n'en disons pas plus, Franck Musy est déjà là-bas. 14h45, arrivée à la mairie de Beersheba d'un gros hélicoptère, près de 30 degrés de chaleur cet après-midi dans la ville d'Abraham, la ville aux 7 puits, la capitale du Negev où arrive, venant d'El Arish en Égypte, le premier ministre israélien Menachem Begin, le président égyptien Anwar El Sadat et le secrétaire d'État américain Cyrus Vance. Près de 30 degrés, du soleil, pas un nuage et des rafales de vent chaud qui viennent du désert, tellement fortes ces rafales que l'une d'elles a même retourné le tapis rouge juste après le passage du président égyptien. Dans les rues à angle droit de la ville, sur le parcours qui sépare la mairie toute neuve de l'université, tout Beersheba est descendu, on brandit des drapeaux israéliens et égyptiens, on brandit de petites pancartes où il est écrit en hébreu, en arabe et en anglais « Peace now », paix maintenant, et on ne cache pas, bien sûr, l'immense joie de ce dimanche pas comme les autres. Nous sommes très très contents de voir le président de la République arabe unie, et c'est un grand jour historique pour nous, pour tous les Israéliens à Beersheba. Et surtout de le voir ici avec nous, c'est un grand homme. Et c'est un héros de paix et c'est un héros de guerre. Et j'espère qu'il sera plus grand et plus grand seulement dans la paix. ce n'est pas difficile parfois tout de même de croire à cette paix. C'est difficile, mais on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Nous sommes très contents et on croit à cet homme. Il est courageux, il a tout le monde arabe contre lui et quand même il continue dans sa direction. Et comme s'il fallait donner un peu de rythme encore à la musique, un canon tonne à deux pas de la fanfare qui joue les hymnes nationaux. Le président Sadat a prononcé cet après-midi deux discours. Today, our big evil from both countries have met together. And we have given a solemn that there will be no more war for both sides should be met with. Épilogue du jour. Et qui c'est qui a la banane dans tout ça? Eh bien, c'est le golfeur Jimmy Carter qui emporte haut la main cette première manche. Après un voyage en Israël, il revient en fanfare à Washington. Il y a une heure environ, en débarquant d'avion à la base aérienne d'Edwards, près de Washington, Jimmy Carter a enfin pu savourer le triomphe qu'il avait tant espéré, un triomphe semblable à celui que Richard Nixon avait savouré à son retour en 1972 de Moscou puis de Pékin. Le triomphe non pas du guerrier mais du pacificateur, le triomphe non pas des armes mais celui de l'esprit de paix, de la raison et de la bonne volonté, et plus que tout son cher au cœur des Américains. Toutefois, l'accueil que ceux-ci ont réservé jusqu'à maintenant à cette paix que leur président leur rapporte du Proche-Orient n'est pas encore unanimement triomphal. L'homme de la rue est prêt à se féliciter par sens du fair play et par nationalisme que ce président tant critiqué ait réussi là où tout le monde avait jusqu'à maintenant échoué. Mais parmi les spécialistes, la prudence est encore de mise. Prudence de la presse d'abord qui, échaudée par l'expérience des lendemains de Camp David, ne veut pas cette fois-ci crier trop tôt au miracle. Prudence du département d'État, dont les hauts fonctionnaires sont certes heureux du dénouement de la mission de Jimmy Carter, mais hésitent encore à en tirer des conclusions définitives. Au Congrès, enfin, l'enthousiasme est plus général, tempéré par cette seule réserve exprimée hier par le sénateur républicain Goldwater. Si Jimmy Carter, a-t-il expliqué, entend récompenser Anwar Sadat de cette paix qu'il a accepté de signer par une aide économique et militaire accrue, le président égyptien devra encore, pour l'obtenir, persuader les parlementaires américains qu'il n'entend pas la retourner tôt ou tard contre Israël. Le traité de paix entre l'Égypte et Israël est signé le 26 mars 1979 à Camp David. L'Égypte est immédiatement suspendue de la Ligue arabe. Le 6 octobre 1981, le président Sadat est assassiné. Demain, mardi, suite de cette série, avec d'autres relations diplomatiques américaines, celles entretenues avec l'Iran. Avant tout une poétesse, Patti Smith co-signe ce titre avec Springsteen, Because the Night. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. Avec aujourd'hui la participation de David Golan, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.